et fidèle comme une ombre qui restera toujours derrière toi. Pour une vie ou 10 secondes, je serai là. Je serai là. Et puis un jour, tu grandiras. Et puis un jour, tu partiras. Mais certaines choses ne changeront pas, la mémoire n'oublie pas. Et si ton ciel devient gris, et si tu perds un jour l'envie, souviens-toi que je reste en vie toujours au fond de toi. Toujours au fond de toi. Et fidèle.